cherchais partout. C'est un sacré courant d'air. J'avais l'attrapé à plein vol. En un clin d'œil, elle me file entre les doigts. J'espère qu'un jour elle se posera. Elle me rend fou. Me rend fou. Elle me rend fou. Oh, elle me rend fou et je la cherchais partout. Partout.